tout dim. Digital. Denzel Queen. Allez, bon, saute à la balle, mettez tout le monde free. Qui ou fat, qui ou small, le pas dans un casting. Batman packaging, welcome to the ring. Chill, chill, Black Princess, pas qu'à fin, fin. Allez, mettez quoi in action. Back it up, baby, fais bouger les pom-pom. Baby, galoulé en feeling. Vous êtes un dancehall queen à la chata ting-ting. Allez, mettez quoi in action. Back it up, fais bouger les pom-pom. Baby, galoulé en feeling. Vous êtes un dancehall queen. Oulala, oulala, mes humbles tes caresses, antillesse, en véritable dégresse. Ma télé, pas les bails, mais en état d'ivresse. C'est royal, ma capale, le abla française. Ma dit en l'eau sortim, ma c'est un bouc sentimental. Pas de stress, y'a la guest, ma capoin local. Mais t'es tout bon à, c'est un bagage fondamental. C'est le minimum syndical, eh. Fini des hanches et puis copie de sous la piste. Ou petit gré talent et puis pour pas tremper en torse. Ma envie à pique après et puis les portes. Ma béqué les eaux, j'appelle, moi j'apporte un sniper. Gardez ou gardez, même moi j'adresse qu'au grand fil. Pour garder gâché en énergie, ou ni en tel style. Ou ni en textile, qu'à mettre mes aïe-oui. Quand Adam en bowling, moi qui fais un strike. Allez, mettez quoi in action. Back it up, mais fais bouger les pom-pom. Baby galoulé en feeling. Vous êtes un dancehall queen à la chata ting-ting. Allez, mettez quoi in action. Back it up, fais bouger les pom-pom. Baby galoulé en feeling. Vous êtes un dancehall queen. Le radar c'est devant moi. Ma casse à DJ Beck à battre ma casse à t'il palpitation. Au café combien kilo pour faire que la tête a tremblé. Au nigo dada, oh la la la la. Ma carbone de combien combien ou carré fait mâcher. Et puis un gros sac piri dans ma casse à t'il ou trop chargé. Danse en l'aime pour plus un peu de calories. Ma qui fait un peu de calories. Allez mettez quoi in action. Back it up, mais fais bouger les pom pom pom pom. Baby galoulé en feeling. Vous êtes un dancehall queen à la chata ting ting. Allez mettez quoi in action. Back it up, fais bouger les pom pom pom pom pom. Baby galoulé en feeling. Vous êtes un dancehall queen. Dancehall queen.